Une ou deux dernières questions, peut-être, Jean. Oui, Jean Catalan d'Ormenay. J'ai deux interrogations. La première, c'est sur le modèle que vous décrivez dans Mediapart, qui finit par être un modèle un peu encyclopédiste, en fait. Et du coup, toute la question, vue du côté du lecteur, de la gestion de son temps. C'est-à-dire, monsieur s'est présenté tout à l'heure en disant « j'ai la chance d'être chômeur ». Donc, je peux bénéficier de Mediapart jusqu'au bout. Il se pose quand même la question, dans l'intervention du journaliste en tant que métier, de ce filtre qui permet pour le lecteur, auditeur, etc., qui n'a pas un temps démesuré, de pouvoir focaliser sur les enjeux véritables. Et la deuxième partie de mon intervention est du coup sur cette question des enjeux véritables. Comme le disait Pierre Plouzenec, des fois on s'interroge, nous, sur comment fonctionne ce monde des journalistes qui ont le pouvoir. Et vous n'avez pas cité dans vos exemples affligeants ce qu'on vient de vivre sur le drame du Chambon-sur-Lignon, qui est un drame privé, et en fait qui est devenu une affaire qui a occupé les médias, comme si tous les journalistes devaient montrer qu'ils avaient un pathos gros comme ça pour légitimer le fait qu'ils parlaient à la télé, etc. Et voilà, j'aurais interrogé ces deux dimensions de la problématique du filtre fait par les journalistes entre la réalité et le citoyen. Voilà. Moi, j'interviendrai plutôt peut-être pour susciter de votre part votre commentaire. D'abord, si je vous ai bien compris, vous n'êtes certainement pas un chien de garde. Hein. Pensez à Serge Julie, qui est son petit opuscule, où il a bien décrit à quel point le journalisme peut être au service des oligarques. La deuxième. Point que je voudrais souligner à une question qui a été posée au début là sur le parcours du combattant auquel vous êtes soumis. Je pense que il y a quelqu'un au bout de la France qui a révélé l'affaire Clistrim, c'est Jean-Pierre Denis. Je ne sais pas si vu cette heure, c'est il faut faire le commentaire. C'était un journaliste financier. Le parcours terrible qu'il a eu, les procès, je crois qu'il a été quasi ruiné et puis ça y est, il a la tête hors de l'eau. Grâce au soutien de la société civile qui l'environnait. Le troisième point qui me tient à cœur, c'est que quand j'écoute la radio après une journée de boulot, je suis en retraite, j'entends en ces temps qui courent des termes relatifs à la croissance, l'économie, protectionnisme, libre-échange. Vous savez, ces termes-là ont besoin d'être sérieusement définis aujourd'hui, sortir de l'opacité, termes que vous avez utilisés. L'autre jour, à Tréguin, il y a deux jeunes personnes, guère plus de 30 ans, toutes les deux, Aurélie Trouvé et puis François Ruffin, je crois que vous devez connaître tous deux, ont bien expliqué qu'il fallait se méfier de l'utilisation de ces termes, savoir qui en parlait. Bon, pour faire court, je crois qu'il n'y a que la pensée unique, plus que jamais, a besoin d'être... Bon, passez-moi l'expression, d'être sérieusement défoncé par des journalistes qui sont des journalistes citoyens. Parce que là, il y a une lacune terrible. La question finale, c'est l'économie au service de l'argent ou au service du peuple. Et j'en dirais, pour ajouter à la dernière réflexion, qu'un des derniers intervenants a fait part, c'est justement... une économie qui pousse à la technique, qui pousse à l'artificialisation à outrance de l'économie pour des besoins de croissance. Les dangers qui guettent, parce que tout ça, comme l'a expliqué Michel Henry, hein, c'est peut-être la faillite du capitalisme, mais parce que la technique en vient à ramener peu à peu, à éjecter l'homme. L'homme devient superflu dans ce type d'économie, étant donné qu'on peut le remplacer par des machines. Bon, il en a fait un livre qui s'appelle « Capitalisme et communisme, théorie d'une catastrophe », dont vous avez certainement connaissance. Bon, je demande tout simplement un complément de lumière, et je pense que c'est un vœu qu'un autre journalisme, en cette période d'élection, soit en mesure, nous, ici en Bretagne, qui sommes au bout de 40 années de productivisme, je suis agriculteur en retraite, j'étais volontaire à 30 ans et j'ai débarqué un jour à Quimper. Je me disais, j'étais d'une famille traditionnelle, bretonne, croyante, agriculteur. je me suis abonné au monde diplomatique et j'ai pris un livre de Cornelius Castoriadis qui m'a été proposé par un copain qui était libraire. Je vous assure que c'est le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie que de m'investir dans cette lecture-là. Voilà. Seconde pour revenir sur la sérendipité. Donc, c'est vraiment la tarte à la crème actuellement de l'Internet. Vous vous souvenez de nos premiers temps sur Internet? Comment tu as trouvé ça, toi, sur Internet? Quelqu'un qui avait découvert quelque chose d'intéressant? Par hasard. Donc, méfions-nous du hasard sur Internet, puisque la sérendipité se fait effectivement l'incarnation de la découverte de quelque chose de nouveau sur Internet. Personnellement, je considère que Internet est ce qu'on appelle une machine heuristique, et j'aimerais mieux vous entendre parler d'heuristique que de sérendipité. Voilà, juste. C'est bon? Non? Termine? D'accord. Bon, parce que vous avez, pour certains, vous avez de la route à faire, si j'ai bien compris. Hein, voilà. Non, mais je ne vais pas rentrer dans. Sincèrement, sérendipité, c'est. Je veux bien. Je respecte hein, l'opinion. Je dis juste que, bon, c'est un concept qui est venu de la physique, hein, plutôt. Mais qui dit justement pas le hasard. Hein, je réinsiste. Ce n'est pas la découverte par hasard. C'est justement la question des conditions qui font que l'on trouve ce qu'on ne s'attendait pas à trouver. Et là, je vais y venir sur la question de ce que est pour moi un journal numérique. C'est la question de comment on construit une sorte de clairière dans l'univers numérique qui fait que ces occasions ont lieu. Quant au fond éditorial, qu'il s'agisse de ce qu'on a appelé dans Mediapart l'exploitation, la politique de l'émotion, qui est au cœur de ce que fait ce pouvoir, hein, de prendre chaque fait divers, personnel, individuel, privé, comme tout d'un coup un enjeu collectif, et d'imposer cet agenda qui devient, face à des médias en situation dominée, l'agenda dominant. Hein, c'est une bataille d'agenda, hein, de hiérarchie des nouvelles, l'information, et c'est une illustration de la politique de la peur, hein, c'est-à-dire la politique du fait divers, la politique de la haine, la politique de la guerre, la politique de la violence, c'est la politique de la peur, c'est brandir le drame, de brandir le crime, brandir l'inquiétude comme quelque chose qui s'empare de nous, loin de tout raisonnement, loin de tout cas d'espèce, et qui globalise évidemment à partir de faits divers. Nous avons été, je n'ai rien d'autre à ajouter de ce que vous avez dit, puisque nous avons été dans la même perception que vous décrivez, comme nous le sommes par rapport à ce que monsieur a dit sur la crise économique. Il y a un auteur qui a, c'était traduit très tardivement en français et sur lequel un essai vient d'être réédité avec de nouveaux textes, qui est Karl Polanyi, qui est quelqu'un qui a fait ce livre après la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle La Grande Transformation, livre qui n'a été traduit que très longtemps après. Cet homme est un peu comme le Marc Bloch que je citais tout à l'heure, c'était un historien paisible, plutôt. Je veux dire, on dirait réformiste si on voulait lui donner, ou social-démocrate, une étiquette politique, et qui a essayé de penser cette grande transformation par les révolutions industrielles qui a amené aux catastrophes dont notre continent a la responsabilité aux yeux de l'humanité, c'est-à-dire quand même deux guerres mondiales, des millions de cadavres, une brutalisation des sociétés et le passage au crime contre l'humanité, c'est-à-dire l'humanité s'en prenant à elle-même en tuant une partie d'elle-même qui a eu le tort d'être née de juif, d'être née de cigane, etc. Et ce que démontrait Polanyi, qui a mis beaucoup de chemin à venir jusqu'à nous en français et qui encore aujourd'hui ne passe pas assez dans la conscience, et qui était une alerte, les catastrophes sont loin, mais ne jamais oublier leurs souvenirs. Le passé plein d'à présent, hein, non pas être confit dans le passé, non pas être tétanisé par le passé, mais voir qu'est-ce qu'il y a d'à présent dans le passé. Et en l'occurrence, il distinguait l'économie de marché de la société de marché. Il disait qu'en fait, il y a une utopie meurtrière qui est la société de marché. Qu'il y ait une économie de marché, d'échange, de troc ou d'échange monétaire, avec un équivalent qu'est la monnaie, c'est une chose. Mais qu'il y ait l'utopie d'une société dont l'aune unique devienne le marché, devienne la compétition marchande entre les entreprises, entre les sociétés, entre les pays et entre les hommes. Ça, c'est une utopie dangereuse. Ça, c'est une utopie qui, du coup, est destructrice. Et destructrice de l'homme et de son travail et de la nature et de ses richesses. Et qui est cette utopie, c'est elle qui est à l'œuvre depuis 25 ans, 30 ans, dans nos sociétés, depuis cette offensive ultralibérale qui a accentué la faiblesse de tout ce qui se réfère à d'autres principes hors du marché, principes de bien commun, principes de valeurs solidaires qui ne sont pas seulement marchandes. Et là, nous sommes au cœur de l'enjeu de société, les mots dont vous parliez, le glossaire. On a fait un glossaire de la crise sur Mediapart. On a pris tous ces mots-là pour voir ça. Et évidemment, comment on est rentré là-dedans et comment la réalité, y compris des marchés eux-mêmes, que ce qu'on appelle les marchés qui sont des robots, hein, on rejoint la critique de la technique qui joue le petit millième de seconde sur lequel on pourra faire un petit profit entre le différentiel, entre deux monnaies, entre deux dettes, etc. Eh bien, c'est une machine infernale qui vient de cette idée où la seule aune, c'est le marché. Nous avons grandi, moi je suis dans ma 60e année, jusqu'à, jusqu'à 40 ans, dans un monde où le cours de bourse n'était pas omniprésent, où nous ne vivions pas au rythme de ces nouvelles-là. Et donc c'est cela qu'il faut reconquérir aussi. Et ça ne se fera pas tout seul, parce que nous sommes dans un moment d'affrontement. Nous sommes dans un moment où c'est une question de rapport de force. Et en même temps, la grande leçon des révolutions tunisiennes et égyptiennes, c'est comment des peuples ont créé une dynamique qui refusait de rentrer dans une spirale de violence qui était l'arme de leur pouvoir. Les reportages que nous avons faits en Tunisie et en Égypte au début du processus montraient comment les manifestants empêchaient des jeunes de jeter des cailloux. Dieu sait, il y a eu des martyrs, il y a eu des morts, de rentrer en disant « la violence est un piège ». Et peut-être que c'est aussi une leçon sur une eschatologie de la violence, où on se disait, au fond, on ne peut changer les choses dans notre histoire que s'il y a une révolution violente. Et peut-être que nous sommes dans un autre moment, où le poids des peuples, c'est leur dynamique qu'il faut repenser, recréer, laisser arriver, sérendipité ou pas, comme une surprise et un événement. Ce qui m'amène à quel rôle nous pouvons jouer ? J'explique toujours cette idée du laboratoire Mediapart. Quand je vous disais défendre la tradition au cœur de la modernité, bien sûr que Internet, c'est une forêt vierge. Il y a des lianes tout le temps, partout. Et qui dit forêt vierge, dit qu'on peut se perdre. Il y a même tellement de lianes que la plupart des endroits d'Internet où vous vous promenez, il n'y a plus de temporalité. Il y a un plafond végétal, vous ne savez plus si c'est le jour ou la nuit. D'ailleurs, c'est très intéressant, dénumérisez-vous pendant 5 jours, coupez tout, et puis revenez et n'ouvrez aucun journal, allez directement sur un ordinateur et baladez-vous sur le net. Et essayez de vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans la temporalité qui vient de s'écouler, les 5 jours, puisque les nouvelles ont eu un enchaînement, et vous aurez beaucoup de mal. Un des premiers principes de Mediapart, c'est qu'il y a une temporalité. Il y a 3 éditions par jour, et il y a un éphéméride, avec les unes que l'on peut retrouver de chaque soir de la semaine écoulée. Et il y a en plus un journal imprimé et où l'on peut retrouver on peut retrouver les articles mis en ligne en fin de journée sur un PDF en fait, qu'on n'est pas obligé d'imprimer, et qui donne les 30 journaux. C'est-à-dire qu'on peut créer dans un univers numérique une mémoire qui est hiérarchisée, qui fait du tri, qui ne met pas tout à égalité, qui propose un menu, qui propose de manière analogique à ce qu'est la hiérarchie d'un journal, et après, on peut le contester, on peut dire c'est pas le bon menu et j'en préfère un autre, mais qui en propose un. C'est pour ça que Mediapart, y compris d'un point de vue de site, n'est pas du tout conçu comme un blog, comme un empilement d'articles. Mais il y a une manchette, comme on dit dans le jargon des journalistes, il y a un titre plus important, et il y a 3 éditions différentes par jour. Il y a une hiérarchie. Il y a des hiérarchies de temporalité et de contenu. Et donc, c'est très important parce que c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est de produire des informations et de produire aussi un tri. Mais de produire un tri, une hiérarchie qui néanmoins vous permet, et c'est ça la force du numérique, de faire vous aussi votre tri, de faire vous aussi votre chemin, selon vos centres d'intérêt, selon votre temporalité, votre disponibilité, selon vos curiosités, selon vos habiletés. Et y compris de le faire par rapport au flux qui existe ailleurs, puisqu'au fond, les informations nous arrivent aujourd'hui. Donc l'important, c'est quelle est l'information importante au sens qui donne du sens, qui fait bouger les lignes, qui me fait réfléchir. Et c'est cela qu'il faut faire émerger. Mais à côté, nous faisons aussi un fil d'actualité qui vous permet de retrouver les informations que tout honnête citoyen doit connaître et qui sont par ailleurs ailleurs. Et donc, cet écosystème de hiérarchie renvoie à cette idée qui est pour moi l'idée de la clairière. Il y a une forêt vierge. Aujourd'hui, les grosses machines commerciales, et la bataille n'est pas gagnée vu leur puissance, Google, Amazon et ainsi de suite, et grosses machines commerciales en situation de monopole, et je parle, et sans compter les fournisseurs d'accès Internet eux-mêmes, et les puissances étatiques qui ont peur de cette diffusion horizontale de l'information, et c'est ce que le symptôme Wikileaks a révélé, elle voudrait organiser cette forêt vierge, faire des routes, mettre un peu de goudron, mettre du béton, mettre un petit peu de fer barbelé, mettre des barrières. Bon. Nous, il faut garder cette vitalité, parce que c'est une vitalité potentiellement démocratique, et qui est la potentialité de l'amateur. Il n'y a pas que les professionnels de l'information, il y a l'amateur, le site, il est là. Et il est là avec son expérience, son histoire, hein, son n'importe qui démocratique. Et il a le droit de dire des bêtises en les confrontant à celui qui regardera ses bêtises d'en haut, mais peut-être ces bêtises le feront réfléchir en disant « mais peut-être que ce que je dis, il y a un malentendu, on ne se comprend pas, peut-être qu'il faut que je tienne compte si c'est ressenti comme ça ». C'est-à-dire une autre expérience démocratique que cette idée au fond des avant-gardes éclairées qui savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Et donc, dans ce contexte, il faut des clairières, c'est-à-dire des lieux où on se pose. Il en faut d'autres, hein. Il faut des clairières. Mediapart, c'est une clairière. On sait quel jour il est, on se pose, il y a des bancs, on lit, on discute, il y a des forums, il y a des conversations, etc. L'exemple, je dis l'exemple de la forêt vierge. Vous savez, il y a quelqu'un, j'ai dit que j'étais un breton d'outre-mer, j'ai grandi outre-mer jusqu'à l'âge de 18 ans. Et il y a quelqu'un qui est décédé cette année qui avait compris le numérique, qui n'avait pas du tout ce regard d'en haut de l'univers numérique qui était un grand ami, qui est le poète Édouard Glissant. Le poète Édouard Glissant, de la créolisation du monde, de la philosophie, de la relation, et de cette idée qu'il a dit, et que nous, en Bretagne, on sait tout ça. Je dis souvent, ça me tient beaucoup à cœur dans ce moment de crispation. J'ai commis un livre avec un ami français d'origine palestinienne, français d'origine syrienne, donc des Français d'origine étrangère, comme on dit, moi, le breton d'outre-mer, qui s'appelle Notre France. Et où je rappelle juste, c'est quelque chose que mon père, qui est breton-bretonnant, m'a toujours dit, en rappelant quand même quelle était notre propre histoire ici, dans cette terre qui fut quand même longtemps misérable et méprisée. C'est ce mot, on dit aujourd'hui, les gens qui doivent venir en France, il faut qu'ils aient appris le français avant. Nous savons tous que pour nos enfants ou nos petits-enfants, quand il faut qu'ils apprennent des langues étrangères, vaut mieux les envoyer dans le bain du pays. Hein. C'est là qu'ils apprendront le mieux. Mais on dit maintenant, les étrangers, il faut qu'ils aient déjà appris le français avant de venir chez nous. C'est certainement pas comme ça que notre langue et que notre pays rayonnera, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Mais ils ont oublié notre histoire, et notre histoire notamment ici. Comment on dit qu'un Français parle mal en français ? Il baragouine. Et vous savez mieux que moi, ici, ce que ça veut dire, baragouiner. Mais quand je le dis à Paris, ils ne le savent pas. Hein ? C'est les travailleurs bretons qui venaient vendre leur force de travail à la ville et qui demandait du pain et du vin, baragouine. Hein, baragouinait. Moi, j'ai un ancêtre qui a été condamné après un fesnos dans le Morbihan en 1830, époque de Jean Valjean, au bagne. Il s'est bagarré à la sortie du fesnos. Il a été condamné au bagne. Il est mort à Rochefort par un tribunal dont il ne parlait pas la langue. Bon. Donc, c'est une histoire. Nous savons ça. Nous savons que nous avons été faits de migration intérieure. Hein. Nous avons été faits de cette histoire-là. Et nous le savons très fort ici, dans cette langue, ce Finistère qui se prolonge dans le monde. Et d'où ma relation à l'Atlantique, et j'en reviens à Glissant. Et Glissant disait, au fond, il n'y a d'identité que de relations. L'identité racine, c'est une illusion mortifère. Cette idée de la racine unique, qui oublie les rhizomes, qui oublie tout ce qui nous nourrit. Une plante à racine unique, elle meurt sur elle-même. Nous sommes tous faits d'identité-relation, hein, et de mouvements comme ça. Et même sans bouger, hein, le déplacement, il peut être dans la tête. Et ma dernière conversation avec Édouard Glissant, 15 jours avant sa mort, c'était une longue agonie, je lui ai dit, tu sais, j'ai vu un film dans les pires conditions, parce que c'est un film qu'on devait voir avec des lunettes, vous savez, sur grand écran, Avatar. Et j'ai vu dans un avion, comme ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, c'est un film glissantien, Édouard. Si vous avez vu Avatar, qui est un film numérique, hein, issu de la technologie numérique, qui, ça n'a pas besoin de se revoir deux fois, mais parce que ce n'est pas un grand film, mais néanmoins le propos du film, fait blockbuster, Hollywood, etc., mais le propos du film, qui prouve que quand même, il n'y a pas à désespérer. C'est quoi l'histoire d'Avatar ? Ben, voilà, la logique de puissance, de ravage d'une planète où il y a une peuplade qui bloque des richesses qu'on doit absolument prendre. On est sûr de la technique, on est sûr du pouvoir, on est sûr, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est l'éloge du déplacement, c'est l'éloge de la relation. Le héros, il se déplace. Il va chez ces hommes et femmes bleus à longue queue qui se connectent au monde et qui se connectent à un monde où il y a une vie de l'inanimé. Il n'y a pas que l'animé, il n'y a pas que nous, la puissance des animaux. Il y a le reste, il y a la pierre, il y a les arbres, tout ça vit, tout ça a de l'énergie. Avatar, c'est, et en utilisant un mot qui est utilisé dans l'univers du numérique, hein, créer une autre identité, hein, ce mot indien, hein, eh bien, c'est un tâtonnement autour de cette utopie-là. Cette utopie d'un monde de relations où on accepte le déplacement, où on accepte cette idée que d'une stratégie du faible au fort, où on accepte cette idée qu'il faut sortir des logiques de puissance et de domination et de rapport de force, qu'il faut accepter la faiblesse, le tremblement, la fragilité, la précaution vis-à-vis de l'humanité comme de la nature. Voilà, excusez-moi, je vous ai longtemps ennuyé. Vos applaudissements témoignent de tout l'intérêt que nous avons porté à cette conférence et à cet échange. Bravo et merci. Moi, je vais vous dire, monsieur demandait comment... Vous savez, j'accepte volontiers tous ces déplacements. Vous savez, c'est ça qui nous aide à tenir. Voilà, merci. Merci à vous.